sais pas tenir ta langue, ta queue et ton oseille. T'es dans la merde, crois-moi. On mériterait quelques cours d'éducation civique. Messieurs, messieurs, encre noire. Calmez un peu le jeu, ne faites pas les fous. Qui vous êtes, d'où vous êtes, tout le monde s'en bat les couilles. Arrêtez de baver, arrêtez de parler. Respectez les hommes, la roue tourne vite. Calmez un peu le jeu, ne faites pas les fous. Qui vous êtes, d'où vous êtes, tout le monde s'en bat les couilles. Arrêtez de baver, arrêtez de parler. Respectez les hommes, la roue tourne vite. Beaucoup se prennent pour Ken, le survivant, sans se soucier de quoi sera fait le jour suivant. T'en as 1 000 000 $, quelques putes sur le divan. Je te fais péter l'encre noire du lundi au dimanche. Bavez, bavez, déblatérez. Bande de fils de pute, faut tous vous enterrer. Les rumeurs font bon train, elles résonnent dans mes enceintes. T'inquiète, j'ai l'habitude, vous pouvez dormir sans crainte. Certains vont mal finir s'ils continuent de se la jouer. Ils kiffent la vibe à mort, mais ne veulent pas l'avouer. Quelques grammes de shit, ça se prend pour un dealer. Sérieux, quelques embrouilles, ça se prend pour un tireur. Calmez un peu le jeu, négro, ne faites pas les fous. Qui vous êtes, d'où vous êtes, tout le monde s'en bat les couilles. Le 9-1 comme les autres peut lâcher les cartouches. Respectez les hommes, le danger est partout. Je te disais donc qu'il n'y a pas de don quelconque. Que le cuir n'arrête pas le plomb. Si t'y vas pas, c'est pas grave, mais ne joue pas au con. Si t'es pas prêt, c'est pas grave, ne va pas au front. Et lascar se tape dessus, parfois pour un regard. Ils veulent tous des salopes, et le secret de mon encre noire. La chaîneté et la galère te poussent au vol. La flicaille te couche au sol après une course folle. Amateur d'absolute et de douce drogue, chacun de mes passages reste un tour de force. Qui va me faire croire que je suis Jim? Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Rien à foutre de tes bifs, moi je m'en bats les couilles. Toujours vif dans la fonce, dans la levée de coude. Un nuage de fumée pour semer le trouble. Les haineux veulent m'endormir pour semer le doute. Bavez, bavez, retournez vos vestes. Regardez dans le détail tous mes faits et gestes. Tu veux savoir si ma bite toute noire est bien épaisse? Certains négros se check alors qu'ils se détestent. Je veux juste remettre vite fait certaines choses au clair. Je dois rien à personne, moi on ne m'a rien offert. Les négros changent de visage comme ils changent de chemise. Ils s'emballent sous l'alcool et l'euphorie. Mais qui t'a dit que j'avais besoin d'un père spirituel? Je connais la vie, la galère, le goût du sucre et du sel. Beaucoup subissent la loi du plus robuste et du faible. Malheureusement, aujourd'hui les putes sont nègres. Va savoir qui est innocent, qui est coupable. Va savoir ce que tous les enculés pensent tout bas. Les rumeurs disent que Apotrache est un soulard. Les rumeurs disent qu'un négro reste introuvable. Je vis ma vie dans mon HLM. Laisse les haineux remixer, ils sont pires que la FM. En saloperie, crois-moi, je connais des cas extrêmes. Les saintes nitouches deviennent des chiennes. Calmez un peu le jeu, ne faites pas les fous. Qui vous êtes, d'où vous êtes, tout le monde s'en bat les couilles. Arrêtez de baver, arrêtez de parler. Respectez les hommes, la roue tourne vite. Calmez un peu le jeu, ne faites pas les fous. Qui vous êtes, d'où vous êtes, tout le monde s'en bat les couilles. Arrêtez de baver, arrêtez de parler. Respectez les hommes, la roue tourne vite. Calmez un peu le jeu, arrêtez de faire les oufs. Messieurs, messieurs.